Négatif. Qui fait ça, c'est normal puisque c'est de la master bombe. Qui fait ça, c'est humain comme quand ce pasteur bombe. On s'est frustré comme cette femme grillant son mari se masturbant. Tu veux rattraper qui, on a même pas mis le turbo. Rap turbulent, faire autre chose. Négatif, y'a que moi pour clash l'argent. Stopper d'être brut et net, négatif. Survivre avec mes démons, avec un méga spliff. Pour mourir avec mes rêves, négatif. En plus, mourir ici, négatif. Je suis phénomène, je viens de la race inférieure, négatif. Mais comme tout le monde, il est noir, y'a un problème, négatif. Je viens faire jouer la zig du guet et sa rage. Métis, massive. J'fais déjà du rap blessant. J'fais déjà du rap blessant. Paraît que la femme évolue, négative. Je suis juste moins borné que mon père, alors je coopère. Mais faut pas prendre la confiance. Comme un con, je suis venu en France faire l'argent. Les autres rêvent de venir, négatif. Dis-leur qu'on taffe pour l'oppresseur et qu'ils nous payent en sédatif. Quand même, je suis comme un Européen au bled, partir, négatif. Donc j'ai paniqué le bénéfice, partir, négatif, négatif. Taper avec toi parce que tu guettes mal, négatif. C'est toi et tes yeux, toi ton corps et ta connerie. Tu crois que je suis en manque d'ennemis, hein? Au micro je manque pas d'air, le rap manque d'MC. Est-ce qu'on nous prend au sérieux? Négatif, négatif, négatif. Je fais déjà du rap blessant. FD chez R. Je fais déjà du rap blessant. R-A-G-G-M-A-3. Est-ce qu'on est unis? Négatif. Est-ce qu'on a du poids? Négatif. Organisé, barré, préparé. Sérieux, déterminé, sans volonté de carotte apparente et massive. Négatif. J'déconne, j'déconne, chacun son combat dans le béton négatif. Ici on a trop perdu, j'fais du rap persuasif. J'fais jouer le son du guet, est-ce qu'ils peuvent venir test? Négatif, négatif. J'fais déjà du rap blessant. J'fais déjà du rap blessant. J'fais déjà du rap blessant. J'fais déjà du rap blessant. J'fais déjà du rap blessant. J'fais déjà du rap blessant. J'fais déjà du rap blessant.